مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc le sujet hebdomadaire, donc celui de cette semaine, est sur le shukr, le remerciement. Fashukru lughatan al-thana ala al-muhsini bima awlahu lahu min al-ma'ruf. Fashukru diddu tashkuru lahu mithlu shakara lahu. وهذا ذكره في مختار الصحاح. Donc le shukr, le remerciement dans la langue arabe, c'est le fait de louer donc celui qui t'a gracié, celui qui t'a fait un bien, qui t'a donné un certain bien, ou celui qui t'a qui a été en fin de compte le sabab ou la cause afin que tu profites d'un certain bien. وقالَ ابن الأثير رحمه الله الشكر مقابلة النعمة بالقول والفعل والنية. Donc Ibn al-Athir dit que le shukr, le remerciement, est le retour d'une grâce par la parole ou l'acte ou l'intention. فيثني على المنعم بلسانه ويذيب نفسه في طاعته. Donc la personne doit louer celui qui le grâce, qui lui fait profiter, ou celui qui le gracie par sa langue, et habitue, c'est-à-dire son nef, son fort intérieur, dans son adoration. Et bien sûr, le shukr lahu ma'arif okhra. Donc le shukr, le remerciement, mais si on peut donc l'expliquer de plusieurs façons différentes. On retrouve beaucoup de sens étymologiques de la part des savants, que ce soit des savants de l'islam ou même de la langue arabe, dans ce sujet. وَيَكُونُ شُكْرُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبُ أَوَلًا شُكْرُ قَلْبِ وَهُوَ تَحَوَّرُ النِّعْمَ وَشُكْرُ اللِّسَانِ هُوَ الثَّنَى عَلَى الْمُنْعِمِ وَشُكْرُ سَائِرِ الْجَوَارِحِ وَهُوَ مكافأة النعمة بالصرف فيها فيما خلقت له فقال تعالى اعملوا آل داود شكرا. Et le remerciement est de trois types. Donc on retrouve trois sortes de remerciement. Donc premièrement, le remerciement par le cœur. C'est le fait, hein, bien sûr, de reconnaître et de ressentir ce bienfait, cette grâce. Deuxième type de remerciement est le remerciement par la langue. Donc le fait de louer celui qui a gracié. Et troisième type, c'est le remerciement par les membres. C'est-à-dire le fait de rendre ce remerciement par, c'est-à-dire pour lequel tu as été créé. Donc tu as été créé pour remercier Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit, donc œuvrez les gens de Daoud par remerciement. Œuvrez au peuple de Daoud par remerciement. Shukra. Et on retrouve beaucoup de salafs qui disent qu'à l'époque de Daoud, alayhi salatu wassalam, il n'y avait pas nuit et jour, une heure ou un moment où il n'y avait pas au moins une personne qui remerciait Allah Azza wa Jal par la prière. Donc, lorsqu'ils ont eu ce verset, lorsque Allah Azza wa Jal leur a dit « Ya'malu ala Daoud ashukra », Donc, œuvrer au peuple d'Aoud par remerciement, ils ont remercié Allah Azza wa Jal. Il n'y avait pas un instant où il n'y avait pas quelqu'un de cette communauté qui ne remerciait pas Allah Azza wa Jal. Ahammiyatuhu. Son importance. Ash-shukru lahu ahammiyah fi din al-islam. بل هو قاعدة من قواعد البكرة ابن القيم رحمه الله في كتابه النفيس فوائد الفوائد باب أهمية الذكر والشكر. Le remerciement a son importance dans la religion islamique. Et c'est même une base, un fondement parmi les fondements de la religion. Et Ibn al-Qayyim rapporte dans son livre intitulé Fawaid al-Fawaid, chapitre l'importance du rappel et du remerciement, il dit Mabna ad-din qa'idatayn. Donc il dit qa'idatayn, al-dhikru wa al-shukr. Donc il dit rahmallah, la religion est construite sur deux bases, sur deux fondements, le rappel et le remerciement. Qala ta'ala wazkuruni azkurkum washkuruni washkururi wa la takfurun. Surat al-Baqara verset 152. Surat al-Baqara verset 152. Donc il dit Azza wa Jal, évoquez-moi, je vous évoque. Remerciez-moi et ne reniez pas. Donc là, on retrouve exactement le dhikr et le shukr. Allah a ordonné de quoi ? Il nous a ordonné, il nous a demandé de l'évoquer et de le remercier et de ne pas le renier. Sourate Al-Baqara, verset 152. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِمُعَاذِ وَاللَّهِ إِنِّي لَوْحِبُّكَ فَلَا تَنْسَى أَنْ تَقُولَ دُبْرَسْ كُلِّ صَلَاتِ Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, à Mu'ad, par Allah, certes, je t'aime, n'oublie pas de dire après chaque prière, ô mon Seigneur, aide-moi afin que je t'évoque, que je te remercie et que je t'adore de la bonne façon. Le hadith il est authentique et il est rapporté par Abu Daoud, l'imam Ahmed et Nasa'i. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans ce hadith ? On retrouve la demande d'aide à Allah Azza wa Jal afin de le rappeler, de l'évoquer, de se souvenir d'Allah Azza wa Jal et de le remercier. Naam. Parce qu'il faut d'abord, en premier lieu, bien sûr, se souvenir d'Allah Azza wa Jal, se rappeler, afin de pouvoir le remercier. Parce que lorsqu'on se souvient d'Allah Azza wa Jal, on pense à ce qu'il nous a octroyé et donné comme grâce. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc par la suite, on le remercie. Et c'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim dit que c'est donc une base parmi deux bases. Donc c'est pour ça qu'il, lorsqu'il divise, on voit que dans la division, il parle du rappel, il parle de quoi ? Il parle du remerciement. Parce que le remerciement vient automatiquement tout de suite après. Donc il est joint et il est allié au rappel. Il est allié au rappel. Et puis il dit, une fois que la personne s'est bien souvenue d'Allah Azza wa Jal, a évoqué Allah Azza wa Jal, comme on l'a vu, hein, par les noms, les attributs et tout ce que Allah Azza wa Jal a créé et nous a octroyé comme bien, on va le remercier. Qu'est-ce qu'il va faire ? Et ça va être quoi comme résultat ? C'est qu'on va l'adorer comme il le faut. Wa husni ibadatik. Donc les trois là qu'on voit, les trois demandes du serviteur à Allah Azza wa Jal dans cette doua qu'il faut dire après chaque prière. Il faut dire après chaque prière, Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Voilà le résultat de se souvenir d'Allah Azza wa Jal, de le remercier et de quoi à la fin, par la suite, de l'adorer comme il le faut, de l'adorer de la meilleure façon. Hein? Donc ibada hasana. Une bonne adoration. وليس المراد بالذكر المجرد الذكر اللسان بل الذكر القلبي واللسان. Et bien sûr, lorsqu'on parle du rappel, ce n'est pas seulement le rappel qui est dans, avec la langue, mais bien sûr c'est le rappel qui vient du cœur et qui est aussi bien sûr prononcé. Donc l'origine de ce rappel est à l'intérieur, il vient du cœur et il est prononcé. وَذِكْرُهُ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَذِكْرَ أَمْرِهِ وَنَهِيهِ وَذِكْرَهُ بِكَلَامِهِ وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ مَعْرِفَتَهُ وَالْإِيمَانَ بِهِ وَصِفَاتِهِ وَبِصِفَاتِ كَمَالِهِ وَنُعُوتِ جَلَالِهِ. Et bien sûr, son rappel comprend et comporte le rappel de ses noms, ses attributs, ses ordres, ses interdits, sa parole, hein, ce qu'on va retrouver dans le Coran, et va obligatoirement engendrer sa connaissance et la croyance, Inch'Allah, en Allah Azza wa Jal. Et la croyance en Allah Azza wa Jal par, bien sûr, ses qualités qui sont les plus complètes, hein, et bien sûr les qualités, les attributs les plus grandioses. وَثَنَاءَ عَلَيْهِ بِأَنْوَعِ الْمَتْحِ. Et on va après le connaître, on va le louer par tous les types de louanges, par toutes sortes de louanges. Alhamdulillah, on connaît, on sait qu'on peut très bien Alhamdulillah, hein, Nashkuru, Alhamdulillah, Subhanallah, voilà, Alhamdulillah, toutes les sortes et tous les types de louanges que bien sûr les gens connaissent. وَذَلِكَ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِتَوْحِيدِهِ. Et cela ne va pas se compléter que par l'unifié seul, Azza wa Jal. Par le fait d'unifier Allah Azza wa Jal seul. Hein, le fait d'unifier Allah Azza wa Jal. Et aussi, فَذِكْرُهُ الْحَقِيقِ يَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيَسْتَلْزِمُ ذِكْرَ نِعَمِهِ وَأَلَائِهِ وَإِحْسَانِهِ إِلَى خَلْقِهِ. Donc, le réel rappel, l'évocation qui est réelle, c'est justement celle qui demande obligatoirement, donc elle va demander de quoi? De se rappeler de ses bienfaits, de ses signes et de ses bienfaits envers ses serviteurs. Hein? Donc de ses grâces, on va se souvenir de ses grâces, de ses signes et de ses bienfaits, de sa bonté envers ses serviteurs. Voilà le vrai rappel, voilà le vrai choukr. Le vrai rappel, c'est de cette façon. Amma choukr, fahuwa al-qiyam lahu bi ta'atihi wa taqarrubu ilayhi bi anwa'i mahabihi zahiran wa batinan. Et donc on a vu un peu ce que voulait dire le rappel. Et en ce qui concerne le choukr, le remerciement, donc c'est le fait d'adorer Allah Azza wa Jal et de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal par tout ce qui est aimé d'Allah Azza wa Jal. Donc tout ce qu'Allah Azza wa Jal aime, on le fait. Que ce soit voyant, apparent ou caché. Donc tout acte qui soit apparent ou caché. فَهَذَانِ الْأَمْرَانِ هُمَا جِمَعُ الدِّينِ. Ces deux choses, c'est-à-dire le rappel et le remerciement, sont le rassemblement, sont les choses qui vont englober, rassembler la religion. La religion se retrouve dans le rappel et le remerciement. فَذِكْرُهُ مُسْتَلْزِمُونَ لِمَعْرِفَتِهِ. Son rappel va engendrer obligatoirement la connaissance d'Allah Azza wa Jalla, sa connaissance. وَشُكْرُهُ مُتَضَمِّنُونَ لِتَعَاتِهِ. Et son rappel et son remerciement englobe son adoration. Il va amener comme résultat, il va donner comme résultat son adoration. وهدان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض ووضع لأجلها السماوات الثواب والعقاب وأنزل الكتاب وأرسل الرسل وهي الحق الذي خلقت به السماوات والأرض وما بينهما وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى بتدسيس عنه وهو الظن أعدائه به. Donc ces deux caractéristiques qu'on en a vues, c'est-à-dire le rappel et le remerciement, sont les causes de la création. Donc, pour cela, les djinns et les humains ont été créés, les cieux, la terre. Et pour cela, Allah Azza wa Jal nous a placé la récompense et le châtiment. Il a descendu les livres, et a aussi a envoyé les envoyés, les prophètes. Et le contraire, l'abeth, c'est-à-dire le fait de renier, de ne pas faire attention, de ne pas prêter attention, c'est justement celui qui va s'enorgueillir de cela. Il se voit au-dessus de cela. Il se voit au-dessus de cela. Et ça, c'est ce que croient ses ennemis. Les ennemis d'Allah, c'est ce qu'ils pensent. C'est pour ça qu'Allah dit dans Surat Sad, verset 17, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Sad, Afwan, verset 27 de la Surat Sad, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Certes, nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui y entre vainement. Et cela est ce que croient ceux qui ont mécru, et malheur à ceux qui ont mécru, c'est-à-dire du feu, qu'ils fassent attention au feu. Surat Sad, verset 27. Et il dit aussi à Azza wa Jal, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Il dit Azza wa Jal dans Surat al-Dukhan, verset 38 et verset 29, nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre, afin de jouer, mais nous les avons créés que par vérité. Mais seulement la majorité d'entre eux ne croient pas. Mais seulement la majorité d'entre eux ne le savent pas. Surat al-Dukhan, verset 38. Waqal, وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ. Et il dit aussi Azza wa Jal, nous n'avons créé les cieux et la terre et ce qu'il y entre que par vérité. Surat al-Hajr, verset 85. Verset 85. وَقَالَ بَعْدَ ذِكْرِ آيَاتِهِ في أول سورة يونس. Et il dit Azza wa Jal, après avoir parlé de ces signes, après avoir mentionné ces signes dans le début de la sourate Yunus, وَمَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ. Certes, Allah n'a créé cela que par vérité. Sourate Yunus, verset 5. وَقَالَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ جَعُونَ. Et il dit, Azza wa Jal, croyez-vous que nous avons créé par jeu, c'est-à-dire comme ça, c'est-à-dire pour rien, sans raison, et que vers moi vous ne serez pas retourné, et que vers moi vous ne retournez pas. C'est le Mumiloun, verset 115. Et il dit aussi, Azza wa Jal, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dans Surat al-Dhariyat, verset 56. Donc il dit, Azza wa Jal, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'il m'adore. Donc vous voyez, lorsqu'on parle du choukr, qui est l'origine de l'adoration, qui fait partie des origines de l'adoration, on est obligatoirement amené à parler justement de la création, de pourquoi Allah nous a créés, afin de le remercier. Le rapport est très fort. Donc la liaison, elle est très forte, elle est obligatoire. Il n'est pas possible de délier cela. C'est pour ça qu'on est obligé de parler de quoi justement, de l'origine de cette création. Pourquoi Allah Azza wa Jal a tout créé? Et pourquoi Allah nous a créé? Afin de l'adorer. De quoi? C'est-à-dire de se souvenir de lui, de se rappeler de lui, de l'évoquer et aussi de le remercier. Donc, comme on l'a vu, ثبت بما ذكر أن غاية الخلق والأمر أن يذكر وأن يشكر. يذكر فلا ينسى. يذكر فلا ينسى ويشكر. Donc on voit dans cela il est authentifié, il est prouvé dans cela que l'origine de la création et de tout ce que Allah a fait, c'est afin de se souvenir de lui et de quoi? De le remercier. Et comme le dit les salafs et parmi eux, Abdallah ibn Mas'ud, donc il dit Yuskar, Fala, wa Yushkar, Fala Yukfar. On se souvient d'Allah Azzawajal, hein, et on ne l'oublie pas. Aussi, on le remercie et on ne le renie pas. Donc, à partir du moment que la personne va se souvenir et remercier, il fera partie de ceux qui auront justement accompli ces deux bases importantes de la religion. Wa huwa subhanahu dhakirun shakirun liman yashkuruhu fa dhikruhu sababun li dhikrihi wa shukruhu sababun li ziyadatihi لزيادته من فضله فالذكر للقلب واللسان فشكر للقلب محبة وإنابة واللسان ثناء وحمد وللجوارح طاعة وخدمة. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va se souvenir et va aimer celui qui l'invoque, qui l'évoque. Et on sait bien que Allah Azza wa Jal évoque ce qu'il évoque dans une assemblée qui est meilleure. Et aussi Allah Azza wa Jal remercie. Et parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est justement Shakur. Hein? Parmi les noms d'Allah Azza wa Jal, c'est justement Shakur. Donc Allah Azza wa Jal remercie celui qui le remercie. Donc son évocation est la cause de ton évocation. Et son remerciement est la cause de quoi? Du bienfait. Hein? Du bienfait d'Allah Azza wa Jal envers toi. Lorsque tu vas remercier Allah, c'est justement la cause du bienfait qu'il a fait envers toi. Donc ce rappel est dans le cœur et dans la langue. Et regardez, là maintenant on voit avec quoi on va se souvenir d'Allah Azza wa Jal. Bil qalbi wal lisan. On va se souvenir, on va l'évoquer par le cœur et la langue. Et on va remercier Allah Azza wa Jal par le cœur, par amour pour lui. Et retour vers lui, inabatan. Hein, le fait de revenir vers Allah Azzawajal, bien sûr, avec quoi? Avec nos adorations. Wallisen, aussi avec notre langue, hein, ce qu'on va dire, c'est-à-dire lorsqu'on va le louer, lorsqu'on va le louer à Allah Azzawajal, le vanter, se souvenir de lui. Waljawareh, et par nos membres, que ce soit avec nos mains, que ce soit avec nos pieds, ilakhirih, hein, toutes nos adorations que l'on fait, où on utilise nos membres, comme la prière, le hajj, ilakhirih. Donc, comment? Par adoration et dévotion. Par adoration et quoi? Et dévotion. C'est-à-dire qu'on œuvre pour Allah Azza wa Jal. Wali ahammiyatihi tajid al-muslimun tanaza'u fima al-afdal al-sabr ou al-shukr. Tellement le sabr est important, enfin le shukr, le remerciement est important que les savants ont divergé à un point, à un sujet où ils demandent qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est la patience, le sabre, ou est-ce que c'est le remerciement? Lequel des deux est le plus important? Fahaka Abu Faraj Ibn Jawzi rahmallah fi dhalika thalathatu aqwal. Donc Abu Faraj Ibn Jawzi rahmallah cite dans cette mas'ala, dans ce sujet, trois paroles. On va retrouver trois paroles dans ce sujet. Ahaduha anna sabra afdal. La première parole, c'est que la patience est meilleure. Wa thani anna shukra afdal. La deuxième parole, c'est que le remerciement est meilleur. Wa thalith annahuma sawa. La troisième parole, c'est qu'elles sont égales. C'est qu'elles sont égales. Kama qal Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu لو كان الصبر والشكر بعيرين ما بليت أيهما ركبت. Donc il dit Omar ibn al-Khattab رضي الله عنه, si la patience était deux chameaux, hein, je me moquerais, ça me serait égal de savoir lequel des deux je monte. Tellement les deux sont bien, tellement les deux sont importants. Ça me serait égal de savoir lequel des deux je monte. أما قول من قال أن الشكر أفضل فقالوا. Bien sûr, nous allons citer bien sûr la parole de ceux qui défendent, ceux qui donnent leur avis pour le remerciement du fait que c'est notre sujet. Donc ils disent par rapport à cela, وَقَدْ قَرَّنَ تَعَالَى ذِكْرَهُ الَّذِي هُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْخَلْقِ بِذِكْرِهِ وَكِلَهُمَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْخَلْقِ وَالْأَمْرِ. Donc ils disent pourquoi on a choisi le shukr et qu'il est plus important que le sabr. Parce que Allah Azza wa Jalla l'a associé avec son rappel. Alors qu'on a vu que le but et la raison de sa création, c'est justement son rappel avec son remerciement. Et les deux sont les buts de la création. Fasabru khadimun lahuma. Et ils disent que le sabr, la patience, travaille pour eux. Hein? C'est un moyen d'arriver au rappel et au shukr. C'est pour ça que c'est pas plus important que le shukr. Wa wasilatun ilayha ilayhima. Wa wasilatun ilayhima. Donc un moyen d'arriver bien sûr au rappel et au remerciement. Wa aunun alayhima, et va les aider. C'est une aide, la patience va t'aider à remercier et à te souvenir. Faqala ta'ala ushkuruni ashkurkum wa shkuruni wa la takfurun. Donc il cite le verset qu'on en avait auparavant dans sourate Al-Baqarah verset 52. Souvenez-vous de moi ou évoquez-moi, je vous évoque, remerciez-moi et ne reniez pas, et ne m'écriez pas. فَتُلَاحِذُونَ أَنَّ الشُّكْرَ يَأْتِي بَعْدَ الذِّكْرِ كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي الْحَدِيثِ وَهُوَ مُلَازِمٌ لِلْآخَرِ. Donc on remarque que le remerciement vient juste après le rappel, comme il a été cité dans le hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika. C'est la même chose. Uzkuruni azkurkum wa shkuruni wa la takfurun. Donc on retrouve les deux dans le verset et dans le hadith car ils sont associés. Wa qarrana subhanahu wa ta'ala ash-shukra bil iman kadhalik. Wa akhbara annahu la gharada lahu fi 'adab khalqihi. In shakaru wa anfaqal ma yaf'alu Allahu bi 'adabikum in shakartum wa amantum. Et aussi Azza wa Jal a encore une fois joint entre le remerciement et la foi. Le remerciement et la foi en Allah Azza wa Jal. Il dit qu'il ne peut pas, il n'a plus de raison de châtier, il n'a plus de raison de châtier sa créature s'ils ont remercié et ont cru. Comme il dit Azza wa Jal, que va faire Allah Azza wa Jal, donc, Que va faire Allah de votre châtiment, de son châtiment s'allant envers vous, si vous remerciez et croyez? Donc on voit que le remerciement, c'est un sabab, c'est une cause afin de se prémunir du châtiment d'Allah Azza wa Jal. Hey, in wafaytum ma khuliqtum lahu, comme dans le tafsir. Donc ça c'est dans Sourate An-Nisa, verset 147. Ils disent aussi dans le tafsir, dans l'exégète de ce verset, c'est-à-dire, si vous allez œuvrer. Hein, donc de ce que vous avez œuvré, des œuvres pour lesquelles vous avez été créé. Vous avez été créé pour cela. C'est-à-dire de remercier et de quoi, bien sûr, de croire. Wa huwa shukr wal iman. Fama asna bi'adabikum. Que vais-je faire de votre châtiment maintenant que bien sûr que vous croyez que vous aussi vous remerciez. Surat An-Nisa, verset 147. 147 à fond. Wahada. أخبر سبحانه وتعالى أن أهل الشكر هم المخصوصون بمنته عليهم من بين عباده فقال وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بشعام. Verset 53. Surat Al-An'am, verset 53. Donc aussi, Azza wa Jal mentionne aussi que les gens, c'est-à-dire ceux qui remercient, donc les gens du remerciement, sont ceux qui ont été choisis spécifiquement afin d'être graciés par Allah Azza wa Jal, afin de profiter des grâces d'Allah Azza wa Jal parmi, bien sûr, les serviteurs. Ils ont été choisis, ils ont été élus. Donc il dit Tabaraka wa Ta'ala, dans Sourate Al-An'am, verset 53. Certes, nous avons éprouvé, hein, nous avons éprouvé les uns envers les autres. Hein, donc, ainsi, nous éprouvons les uns par les autres pour qu'ils disent, est-ce là ce qu'Allah a favorisé parmi nous? N'est-ce pas Allah qui sait mieux, qui sait le mieux, lesquels sont reconnaissants? Sourate Al-An'am, verset 53. Donc regardez, ceux qui ont été choisis par Allah Azza wa Jal, donc ils ont été choisis pour une raison, parce qu'ils sont justement reconnaissants. Donc regardez ce verset, comment il vient montrer et prouver, hein, bien sûr, l'énorme importance wa lillahi alhamd du shukr. وَقَسَّمَ النَّاسَ إِلَى شَكُورٍ وَكَفُورٍ. Et Allah Azza wa Jal a divisé les gens en deux nombres, en deux parties. Ceux qui remercient et ceux qui renient. Ceux qui remercient et ceux qui ont mécru. فَأَبْرَدُوا الْأَشْيَا إِلَيْهِ الْكُفْرُ وَأَهْلُهُ وَحَبُّوا الْأَشْيَا إِلَيْهِ الشُّكْرُ وَأَهْلُهُ. Et les choses les plus détestables auprès d'Allah Azza wa Jal sont donc le kufr et les gens du kufr, ainsi que les choses les plus aimées auprès d'Allah Azza wa Jal sont le remerciement et les gens qui remercient. Fil insan inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura. Sourate Al-Insan, verset 3. Donc bien sûr, donc certes nous les avons guidés, hein, nous avons guidés donc de la voie, hein, où il est remerciant, où il est renieur. Donc il n'y a pas trois types de personnes. Ou on fait partie de ceux qui remercient Allah, ou on ne fait pas partie de ceux-là. Donc on retrouve deux catégories de personnes. Et aussi Azza wa Jal, Athna, al-awwal rasul sallallahu alayhi wa sallam, lama ba'athahu ila ahli al-ard, bishukr. وَهُوَ نُوح عَلَيْهِ السَّلَامِ. Donc Allah Azza wa Jal a cité les louanges, hein, du premier envoyé Nuh alayhi salam, et bien sûr il lui a attribué justement cette qualité et cette vertu de remerciant, de celui qui remercie. Puis il dit ذُرِيَةً مِنْ بَعْد. Enfin, ذُرِيَةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. Donc regardez. Donc ذُرِيَةَ, c'est en fin de compte la descendance de ceux que nous avons portés, hein, avec Nuh. Il était bien sûr un serviteur remerciant. عَبْدًا شَكُورًا. Regardez. Il était quoi? Donc il était serviteur remerciant, Allah Azza wa Jalla dit. Vous allez bien comprendre. Donc il faut suivre, justement, ça va nous permettre de comprendre, justement, c'est-à-dire ceux qui sont venus, toutes les générations qui viennent après Nuh. Et on sait que tout le monde a péri à l'époque de Nuh. N'est resté qui? Que les croyants. Donc il va montrer le lien entre nous et Nuh. C'est pour ça que Nuh se fait appeler le deuxième père, El-Abl El-Thani, après Adam. Le deuxième père de la communauté des gens, c'est Nuh, alayhi salam. Donc il dit, regardez Azza wa Jal dans Surat Al-Isra. Verset 3, il a dit, donc, ô vous, les descendants de ceux que nous avons trouvés, celui-ci était vraiment un serviteur fort, reconnaissant. وَفِي تَخْصِيصِ نُوحٍ هَهُنَا بِالذِّكْرِ وَخِتَابِ الْعِبَادِ بِأَنَّهُمْ ذُرِّيَّتَهُ إِشَارَةً إِلَى الْإِقْتِدَاءِ بِهِ فَإِنَّهُ أَبُوهُمْ الثَّانِي. Donc, lorsque Allah Azza wa Jalla dit, ô vous les descendants, c'est pour montrer, c'est-à-dire ceux qui viennent après lui, donc ceux qui étaient vivants et ceux qui sont, donc cette catégorie de personnes, c'est-à-dire ce nombre infime, donc c'est pas un grand nombre de personnes, mais le nombre de ces personnes qui étaient dans ce bateau, parce qu'il n'y avait plus personne sur terre sauf eux, donc tous ceux qui viennent après sont leurs enfants. Donc c'est pour ça qu'ils donc automatiquement leur préparables. Allah Azzawajal nous exhorte, nous, exhorte tous ceux qui sont venus après. Donc nous, on en fait partie, directement. Il fait partie, donc, de ceux que nous avons portés dans l'arche de Noé. Donc c'est nous. Allah nous parle à nous. Il dit quoi ? Il nous montre comment était justement Noé, qu'il était reconnaissant. Afin qu'on sache l'importance justement de quoi ? Du choukr. Afin qu'on sache, nous, descendants de Noé, comme il est le deuxième père, et ça veut dire sur ceux qui étaient avec lui, donc c'est une façon de parler, donc le deuxième père, parce que le premier c'est Adam, alayhi salam. Donc nous devons être remerciants et reconnaissants comme Noé, alayhi salam, l'a été. Afin de suivre l'exemple des sûrs de Noé. فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلِ الْخَلْقِ بَعْدَ الْخَلْقِ نَسَلًا إِلَّا مِنْ ذُرِيَتِهِ. Donc bien sûr, parce que Allah Azza wa Jal, après avoir fait périr les autres et que ceux-là ont été sauvés, toute la descendance vient bien sûr de Nuh alayhi salatu wassalam. كَمَا قَالَ تَعَالَى وَجَعَلْنَا ذُرِيَتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. Il dit, et nous avons fait de ses descendants ce qui reste, les demeurants. Dans le surat Safat, verset 77. فَأَمَرَ ذُرِّيَّتَهُ أَنْ يَتَشَبَّهُ بِأَبِيهِمْ فِي الشُّكْرِ فَإِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا. Hein? Regardez, Allah nous a ordonné de quoi ? De ressembler à Nuh, alayhi salatu wassalam, alors qu'il était quoi ? Il était un serviteur reconnaissant. Un serviteur qui quoi ? Qui remercie Allah Azza wa Jal, qui reconnaît les bienfaits et qui remercie Azza wa Jal. وقال نبيه سليمان عليه السلام هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني حكيم. 40. Il dit aussi pour Suleyman عليه السلام, et on le retrouve dans sourate An-Naml, donc on va retrouver de façon dans deux endroits différents de cette sourate, où Suleyman remercie Allah Azza wa Jal lorsqu'il entend déjà les fourmis qui disent, hein, au peuple de fourmis, entrez dans vos trous, sinon Suleyman et son armée vont vous écraser alors qu'ils ne vont pas en ressentir. Et Suleyman a entendu cela. Fadahika, hein. Fawatabassama mudhikan. Il a souri en rigolant. Donc il a souri et puis il a bien sûr remercié Allah Azza wa Jal le fait que Allah Azza lui a donné. Le quoi ? Lui a donné le pouvoir de pouvoir entendre les fourmis. Donc ça, c'est une ni'ma, d'une grâce d'Allah Azza wa Jal. Qui entend les fourmis ? Qui connaît le langage des fourmis ? Et Suleyman, alayhi salatu wassalam, lorsqu'aussi il a vu, hein, lorsque Suleyman a vu le trône, comme on dit, de la reine de Saba, ensuite lorsque Salomon a vu le trône installé au Seigneur, pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Naam. Hein, lorsque elle a dit lahu ni ilmun min al kitab, donc parmi les djinns, il lui a ramené, alors qu'une, hein, ça veut dire, sans que tu n'as pas le temps de faire un clignement de l'œil, et son trône sera à côté. Hein, donc elle avait un trône qui était énorme. Hein, alors que les gens, bien sûr, adoraient autre qu'Allah Azza wa Jal. Ils adoraient autre qu'Allah Azza wa Jal. Donc l'histoire de Suleyman, c'est-à-dire cette histoire, vous la retrouvez dans Sourate An-Naml, lisez-la parce qu'elle est intéressante. Et c'est de revenir aussi, Inch'Allah, dans son exégète, dans son tefsir. Donc regardez ce qu'il dit à Allah Azza wa Jal, dans ce qu'il dit justement donc Suleyman, donc Allah Azza wa Jal dit dans la parole de Suleyman, cela est de la grâce de mon Seigneur pour m'éprouver si je suis reconnaissant ou si je suis ingrat. Naam. Donc prendre ça comme règle. Toute grâce qu'Allah Azza wa Jal octroie à son serviteur, il l'éprouve. Chaque grâce est une épreuve. Est une épreuve. Est-ce que maintenant je remercie ou je renie? Ou je suis devenu, bien sûr, un grand. Wa qala ta'ala lama athna ala Ibrahim alayhi salatu wassalam inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun min al-mushrikin shakiran an'amihi ijtabahu wa hadahu ila sirat al-mustaqim. Surat al-Nahl, verset 120-121. Donc il dit Azza wa Jal dans Surat al-Nahl, verset 120-121. Certes, Ibrahim était une communauté qui, bien sûr, qui adorait donc Allah Azza wa Jal, qui s'est soigner. Donc, c'est-à-dire qu'il se penche vers Allah Azzawajal, c'est-à-dire il va vers Allah Azzawajal et se penche, et c'est-à-dire il se détourne du shirk. Hein, il se détourne et qui s'éloigne du shirk. Voilà, mais comme il est mouchriki, donc il ne faisait pas des associateurs. Shakiran al-Anumihi, remerciant pour ses bienfaits. Donc Allah était un guide, Umma, parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et n'était point du nombre des associateurs. Il était reconnaissant pour ses bienfaits et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. Donc regardez comment il est. Donc on voit que les prophètes étaient, ils avaient justement comme vertu et comme qualité qu'ils étaient remerciants. Et puis qui le dit Allah Azza wa Jalla dans son nom, hein, dans le Coran. Il n'a pas cité d'autres caractéristiques, mais spécialement celles-ci parce qu'elles sont trop importantes. Parce que justement cette qualité, elle est très importante. Donc justement, c'est bien sûr, c'est un guide, donc c'est une qudwa. Et on doit le suivre dans le bien. On doit suivre Ibrahim, alayhi salatu wa salam, dans le bien. Et celui, bien sûr, qui est soumis à Allah Azzawajal, c'est-à-dire qu'il obéit à Allah Azzawajal, et œuvre, hein, et œuvre, bien sûr, exclusivement pour Allah Azzawajal. والحنيف والمقبل على الله والمعرض عما سواه. Donc le hanif, c'est celui qui va vers Allah Azza wa Jalla, donc c'est celui qui va au devant vers Allah Azza wa Jalla, et celui qui s'éloigne et évite tout ce qui est autre qu'Allah Azza wa Jalla. ثم ختم له بهذه الصفات بأنه شاكر لأنعمه فجعل الشكر غاية خليله. Donc il dit, a conclu le verset, en disant qu'il est remerciant. Hein, donc il est remerciant, il est reconnaissant pour ses bienfaits. Et ce remerciement fait partie, hein, justement de quoi ? Fait partie du fait qu'il est quoi ? Ami intime d'Allah Azza wa Jal. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, et bien sûr Khalilullah, d'accord ? Et l'ami intime d'Allah Azza wa Jal. C'est le plus haut degré du hub, de l'amour. Khalil, c'est plus fort que l'amour. Il n'y a pas plus fort que ça. Khulla. Hein? Et bien sûr, Khalilullah, lui, comme aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est aussi Khalilullah. Et les gens disent Mohammed Habibullah. C'est pas vrai. C'est Mohammed Khalilullah. Parce que si vous dites que Mohammed Habibullah, ça veut dire qu'Ibrahim est meilleur que Mohammed. Alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est meilleur qu'Ibrahim. Ça, Allah aime beaucoup de gens, alhamdulillah, beaucoup de ses serviteurs pieux. Et que le prophète n'a pas juste cet attribut de hub, c'est le khulla aussi. Donc Ibrahim et aussi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont le khulla. Naam. Wa fi sunna faqad thabata anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam annahu qama hatta tafattarat qadamah. فقيل له يعني عائشة رضي الله عنها أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفرأ أكون عبدا شكورا والحديث رواه البخاري ومسلم. Donc dans la sunna il a été authentifié, et le hadith on l'a vu auparavant, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait jusqu'à ce que ses pieds explosaient, dans le sens où ses pieds, donc le sang commence à jaillir. Hein, vous voyez bien qu'il ne bougeait pas, le fait qu'une personne ne bouge pas, donc ça gonfle. Donc justement, et après, ça se. Et on lui a dit, et c'est Aïcha, lui dit, tu fais cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés, c'est-à-dire, et futurs. Et il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Hein, donc ses pieds se fendaient, et qu'est-ce qu'il dit? Donc, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant? Regardez l'adjectif qu'il a utilisé, reconnaissant. Hein, Shakura, remerciant. Abdel Shakura, il n'a pas dit autre chose. Il a donné le meilleur de lui-même. Justement la meilleure des qualités qu'il faut avoir. Le fait d'être quoi? Remerciant, reconnaissant. Le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. هذا هو شأن الأنبياء، يعرفون نعمة الله عليهم ويشكرونه فيما فهد عليهم الصلاة والسلام. Connaissez les grâces, les vertus d'Allah Azza wa Jalla et le remerciez pour cela. Et le remerciez pour cela et les a guidés dans la voie droite et leur a bien sûr augmenté les bienfaits. Wa qala ta'ala wa ista'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adhabi la shadid. Il dit Azza wa Jalla dans sourate Ibrahim. Donc dans sourate Ibrahim, verset 7, il dit Azza wa Jalla, donc verset 7, et lorsque votre Seigneur certainement j'augmenterai mes bienfaits, vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Non. Donc les versets barakallahu fikoum, mettez-les d'abord en français, mettez-les d'abord en français et après en arabe. Barakallahu fikoum, écrivez-les en français après en arabe. Jazakallahu khair. وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. سورة الزمر verset 7. سورة الزمر verset 7. Donc il dit عز وجل dans سورة الزمر verset 7: si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous, de ses serviteurs cependant. Il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il agrée pour vous. Donc, soit Zumar, verset 7. وَهَذَا كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ يُقَابِلُ سُبْحَانَهُ بَيْنَ الشُّكْرِ وَالْكُفْرِ فَهُوَ ضِدُّهُ وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ فِي الْآيَا أَنَّ رِدَاهُ فِي شُكْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc regardez, vous avez remarqué que souvent, Allah, lorsqu'il cite la reconnaissance, il cite aussi après l'ingratitude, son contraire. Hein, comme on dit, l'isbet ou l'nafi ou bien l'nafi ou l'isbet. Donc cela dépend. Hein, donc le fait de, d'affirmer et le fait de renier. Hein, justement, le contraire du choukr, c'est le kufr. Le contraire du choukr, c'est le kufr. Et ici, on voit dans la fin du verset que donc on voit que lorsqu'il dit il agrée pour vous, et si vous êtes reconnaissant, il agrée pour vous. Donc la reconnaissance, ce chouk sera quoi? Sera un sabab, sera une cause de l'agrément d'Allah Azza wa Jalla pour nous. Wa min shukrillahi fa huwa ya'budu wa man la yashkur fa la ta'ala wa shkuru Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Surat al-Baqarah verset 172. Il dit Azza wa Jalla dans Surat al-Baqarah verset 172: washkuru Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Et remerciez Allah si vraiment vous l'adorez seul. Hein, si vraiment c'est lui que vous adorez. Remerciez Allah si vraiment c'est lui que vous adorez. Car justement ce remerciement est l'adoration. وقد وصى نبينا موسى وأمره أن يشكره لما أعطاه النبوة والرسالة فقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. Sourate Al-A'raf, verset 144. Verset 144. Certes, Allah Azza wa Jal a recommandé et a même ordonné à Moussa de le remercier après qu'il lui a quoi ? Donné. Donc, fait de lui un prophète. Donc, Allah Azza wa Jal a fait de lui un envoyé. Il lui a donné, il lui a parlé. Et aussi, il lui a donné quoi ? La Risala. Il lui a donné aussi donc un livre. Donc, il dit, Azza wa Jal à Moussa, ô Moïse, je t'ai préféré à tous les hommes par mes messagers et ma parole. Prends donc ce que je te donne et sois du nombre des reconnaissants. Regardez ce point-là. Là, la reconnaissance est par rapport à quoi ? Est par rapport à Nubuwa, ou Risala, les choses les plus importantes, hein, les choses qui sont d'importance, justement pour dans quoi ? Dans la religion musulmane, le prophète, la Risala, c'est parce que c'est par ce biais qu'on adore Allah, c'est ce biais qui fait que bi-idhnillah on se retrouve inshallah au paradis en suivant justement ces prophètes et en obéissant, c'est-à-dire ceux qui nous ont ordonné. Et regardez après d'être choisi par Allah Azza wa Jal. Et la meilleure façon de pouvoir faire justement cela, c'est-à-dire de pouvoir mettre son œuvre comme il le faut, c'est justement de reconnaître, d'être reconnaissant des bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Wa fi sunnah qal sallallahu alayhi wa sallam li Mu'adh. والله إني لو حبك فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Donc dans la sunna aussi, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé et a cité, on l'a vu auparavant, lorsqu'il a dit, certes Mu'adh, je t'aime, et n'oublie pas de dire après chaque prière, اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأول وصية وصى بها الإنسان بعدما عقل عنه الشكر له وللوالدين قال ووصينا الإنسان بوالديه حمل 14 سورة اللقمان verset 14 lorsqu'il dit عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكره لي ولوالديك إلي المصير. Donc il dit عز وجل dans سورة اللقمان verset 14. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage a lieu à 2 ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination. Donc remarquez là aussi, parmi les choses les plus importantes, bien sûr, c'est de remercier Allah Azza wa Jal et aussi de quoi ? De remercier ses parents. Et bien sûr, le remerciement des parents entre dans le remerciement d'Allah Azza wa Jal. Remercier les parents parce qu'ils sont le sebeb. C'est pour ça que l'obéissance aux parents, c'est quelque chose d'important. Parce qu'ils sont le sebeb du fait que tu sois là sur terre. Bi-iznillah Azza wa Jal. Wa shukru sababun ziyada min al-khair. كما أخبر سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم سورة إبراهيم verset 7 سورة إبراهيم verset 7 si seulement vous étiez reconnaissant je vous rajouterai hein. Si vous êtes reconnaissant je vais augmenter bien sûr vos bienfaits, je vais vous donner encore plus لأزيدنكم parce que c'est un sabab du bien hein, c'est un sabab en fait de recevoir les grâces d'Allah Azza wa Jal, le remerciement, le shukr. Wa alaqa subhanahu wa ta'ala al-mazid bi shukr. Wa al-mazidu la nihayata lahu kama aussi Allah Azza wa Jal a lié et enjoint donc l'augmentation avec quoi ? Avec justement ce shukr, ce remerciement. Car rajouter, c'est-à-dire l'augmentation n'a pas été toujours plus, toujours plus, toujours plus, ça ne s'arrête jamais. Comme le remerciement aussi n'a pas de fin. Hein, l'augmentation n'a pas de limite, comme le remerciement aussi n'a pas de limite. Wa atlaqa subhanahu wa ta'ala shukr itlaqan haythu dhukira faqal wa sanazzi shakirin. Dans surat Al-Imran, verset 145. Et il dit aussi Azza wa Jal dans surat Al-Imran, verset 144, wa sayazzi shakirin. dit, nous allons récompenser hein, ceux qui sont reconnaissants. Dans surat Al-Imran, verset 145. Et il dit dans Al-Imran, verset 144, et il va récompenser ceux qui sont reconnaissants. Donc là, prêtez bien attention à cela. وَهَذَا بِخِلَافِ تَعْلِقِهَا بِالْمَشِئَةِ فَقَالْ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ إِنْشَاءَ. Contrairement, ou différemment plutôt, hein, du fait qu'Allah a enjoint donc le quoi, son récompense, avec quoi? Avec sa volonté, s'il veut. Là, il va nous montrer, on va avoir plusieurs types de récompenses, mais s'il le veut. Mais dans le shukr, non, il n'y a pas. Alors, ne dis pas, donc je vais hein, donc, par exemple, augmenter à ceux qui remercient s'il veut. Pour le shukr, Allah n'a jamais parlé de s'il le veut. Allah n'a pas enjoint, n'a pas mis de corrélation entre le remerciement et quoi? Et sa volonté. Contrairement à beaucoup d'autres bienfaits. On dit dans Surat Tauba, verset 28, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Tauba, verset 28, certes, Allah va vous enrichir de ses bienfaits s'il le veut. Hein? فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Certes, Allah va vous enrichir de ses bienfaits s'il le veut. Inch'Allah, s'il le veut. Dans Surat Tauba, verset 28. Il dit aussi dans la réponse, lorsqu'Allah exauce, il dit aussi يَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْشَاءَ. Surat Al-An'am, verset 41. Allah 41. Surat Al-An'am, verset 41. Donc Allah vous enrichira, comme vous voyez là, hein, s'il le veut, de par sa grâce. Surat Al-Tawbah. Et aussi dans Surat Al-An'am, les bestiaux 41, Allahu a'lam, fayakshifu ma tad'una ilayhi insha. Donc ça c'est dans Surat 41 où Allah Azza dit dans l'Ijaba, lorsque Allah exauce, répond fayakshifu ma tad'una ilayhi insha. Il dit aussi waqala kadalik fi rizq mumkin 4. Ou là c'est pas 41, c'est 4. Apparemment, c'est peut-être pas un 1. Yumkin 4. C'est possible que ce soit le verset 4, si c'est pas 41. Il dit aussi, Ferisk, dans la subsistance, il dit aussi, Yarzuku Meyyasha. Donc, il donne la subsistance à qui il veut. Dans son Bakara, verset 212. Dans son Bakara, verset 212. Il dit aussi, Azzawajal fil Marfera, dans son pardon, Yarfelu le Meyyasha. Il pardonne à qui il veut. Surat 129. Et pour la Tauba, le repentir, il dit Fumma yatubu Allahu ala man yasha. Surat Tauba, verset 27. Et puis, Allah pardonne à qui il veut. Hein, ala man yasha. Regardez tous ces bienfaits. Hein, tous ces bienfaits, lorsque Allah accorde ses bienfaits à qui il veut, sans compter, qu'est-ce qu'on voit? Hein, on voit que Allah Azza wa Jal dit à chaque fois à qui il veut, mais hein, Inch'Allah, s'il le veut, c'est par sa volonté, à qui il veut. Contrairement au shukr, il n'y a pas ça, c'est mutlak, c'est général, c'est tout de suite. Mais maintenant, il n'y a pas celui qui remercie, il aura. Il n'y a pas, à ce moment-là, la volonté, hein, Allah n'a pas mis comme condition la volonté. ووصف الله سبحانه الشاكرين بأنهم قليل من عباده فقال تعالى وقليل من عبادي عز. سورة سبا verset 13. Donc Allah Azza wa Jal, bien sûr, lorsqu'il a mentionné les shakirin, c'est-à-dire ceux qui sont reconnaissants, comme quoi ils sont peu nombreux. Les reconnaissants sont peu nombreux. Donc il dit Azza wa Jal, et très peu ou peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Et peu de mes serviteurs sont reconnaissants. Donc nous, on demande à Allah Azza wa Jal de faire partie justement de ce peu. Wa zakara l'imam Ahmed anna Omar al-Khattab radiallahu anhu bi annahu sami'a rajulan yaqul Allahumma da'i min al-aqallin faqal ma hada qal ya amir al-mu'minin تعالى قال وما آمن معه إلا قليل سورة هود وقال تعالى وقليل من عباد الشكور سورة 7 verse 13 وقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Donc je vais reprendre. L'imam Ahmed rapporte que Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu a entendu un homme dire ô mon Seigneur, fais de moi, fais que je fasse partie des peu, hein, de cette minorité. Il a dit qu'est-ce que cela? C'est-à-dire qu'est-ce que cette minorité? Il dit ô chef des croyants, certes Allah Azza wa Jalla dit et n'ont pas cru avec lui que très peu, hein, que peu de personnes dans Surat Hud, verset 40. Et il dit aussi à Azza wa Jalla et très peu de mes serviteurs sont reconnaissants dans Surat Saba, verset 13. Il dit aussi à Azza wa Jalla sauf ceux qui ont cru et ont commis de bons actes, et ceux-là sont très peu, ceux-là sont bien sûr minoritaires. Surat Sad, verset 24. Pas dit vrai. Donc il est possible, il est permis de faire cette doa, de demander à Allah de faire partie de cette, hein, minorité qui est bien sûr choisie, comme on l'a vu auparavant, par Allah Azza wa Jal. Wa kana shukr mashru'un fi akhir al-ibadat kama qala ta'ala, hein, fi al-hajj. Allah Azza wa Jal bien sûr a parlé dans al-hajj, dans Surat al-Baqarah, verset 185. Lorsqu'il dit Azza wa Jal dans Surat al-Baqarah, on voit bien dans le verset 185 lorsqu'il parle. C'est dans le mois du Ramadan, lorsque la Zad Bessure commence au début, donc le mois du Ramadan, et à la fin du verset, donc le verset est long, donc je vais juste vous donner la fin, lorsqu'il dit, par rapport au fait que la personne ne peut pas, si elle ne peut pas jeûner, elle peut récupérer plus tard, hein, donc voilà, il est en français, donc ces jours-là sont le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. Comme guide pour les gens, épreuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé, afin que vous soyez reconnaissant. Donc regardez, il y a aussi le shukr, hein, afin que vous soyez quoi? Reconnaissant. Reconnaissant justement dans le fait que Allah vous a facilité dans cette adoration, parce que Allah a facilité cette adoration, afin que vous soyez reconnaissant de quoi aussi des hasanat, hein, et des hasanat qu'Allah donne dans ce mois-ci, et des, hein, donc des de la récompense d'Allah pour ceux qui œuvrent dans ce sens. ويترتب على هذا الشكر رضا الله فثبت في الصحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها. الحديث رواه مسلم. Donc certes aussi donc on l'a vu dans un verset, hein, comme quoi Allah Azza wa Jalla agrée et accepte de celui qui le remercie. Et il est authentifié dans le Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes Allah agrée du serviteur lorsqu'il mange une nourriture, ne serait-ce qu'une bouffée, hein, le fait que juste un morceau, le fait de manger, hein, juste ce morceau-là, et qu'il remercie Allah Azza wa Jalla pour ce morceau, ou qu'il boive une gorgée, et qu'il remercie Allah Azza wa Jalla pour cela. Donc Allah Azza wa Jalla agrée de lui. Et c'est pour ça que, quand on voit Cheikh Ibn Baz, rahmatullah alayhi, lorsqu'il mange, à chaque bouffée, hein, à chaque bouffée qu'il prend, ou à chaque gorgée qu'il prend, il dit Alhamdulillah. Donc imaginez-vous si dans le repas, vous allez en faire 15, 20, 25, 30, et le disait donc autant de fois. Il ne le disait pas une seule fois à la fin, à chaque gorgée. Dès qu'il terminait, il disait tout le temps Alhamdulillah à chaque fois. Rahmatullah alayhi. Donc, bien sûr, lorsqu'on voit. وكان هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء كما قال تعالى regardez subhanallah la récompense c'est ridwan Allah c'est ridwan l'agrément d'Allah Azza wa Jal et l'agrément d'Allah Azza est parmi les choses les plus importantes c'est encore une fois parmi les récompenses les plus importantes car Allah Azza wa Jal le prouve dans surat Tawba verset 72 il dit Azza wa Jal wa ridwanun min Allah akbar Hein, et l'agrément de la part d'Allah est plus grand. Et l'agrément de la part d'Allah est plus grand. Surat Tawbah, verset 72. En quoi? En récompense de l'avoir remercié en disant Alhamdulillah. Regardez comment subhanallah les savants joignent hein, et savent marier entre les hadiths hein, et. Donc vous voyez, alors j'ai satisfait de toi parce que tu as dit Alhamdulillah à chaque gorgée. Et regardez, la satisfaction d'Allah est plus grande. Donc comme ils disent ulama, hein, wal jazal azim. C'est quoi? C'est la grande récompense. Wa kana as-salaf as-salih fi shukri shanun azim. Kadhalik. Donc on a vu Alhamdulillah, mais il y a encore plus de versets que cela. Donc bien sûr, on est obligé de faire un irtisar. Là, on a résumé. Et on va parler maintenant aussi donc de certains salafs, ce qu'ils disaient. Certains plus prédécesseurs, ce qu'ils disaient dans le domaine du remerciement. Faqad qala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, le compagnon Ali ibn Abi Talib, donc le quatrième calife, annahu qala li rajulin min Hamadan inna ni'mata mawsazid wa huwa مقرونة في قرن فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد donc il dit Ali ibn Abi Talib un homme de la tribu de Hamadan certes les bienfaits sont liés au remerciement et le remerciement a quoi a un lien donc a une corrélation il y a une corrélation entre le remerciement et l'augmentation il y a un lien entre le remerciement et l'augmentation Et ces deux liens, donc ces deux choses-là, elles sont liées. Comme on dirait, par exemple, lorsqu'on parle de salat et zakat. On voit qu'on les retrouve. Elles sont liées. Donc l'augmentation ne sera pas coupée de la part d'Allah jusqu'à ce que le remerciement soit coupé. Donc si la personne s'arrête de remercier, l'augmentation s'arrête. Si la personne continue à remercier, l'augmentation continue. وقال عمر ابن الله وكان يقال الشكر قيد النعم. Il disait lier ou bien menoter les bienfaits d'Allah Azza wa Jal par le remerciement d'Allah. Et on disait le remerciement est donc justement est celui qui en fin de compte c'est le qaid. Le remerciement est la condition du bienfait. Donc c'est une condition. Le remerciement est une condition de quoi? Du ni'ama. Donc des bienfaits, des grâces d'Allah Azza wa Jal. Wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah inna Allah la yamta' bi ni'ma ma sha' fa idha lam yashkur 'alayha qallaba 'adaban. Wa lihadha kanu yusammuna ash-shukr al-hafiz li'annahu yahfadhu an-ni'am al-mawjuda. Comment elle est intéressante et elle nous fait comprendre comment on doit agir donc il dit certes Allah Azza wa Jal fait réjouir ses serviteurs par ses bienfaits à qui il veut bien sûr et celui qui ne la remercie pas de ses bienfaits Allah lui change encore en châtiment et wallah il est déjà arrivé que des gens se retrouvent dans les meilleurs endroits et reconnaissent pas la valeur de ces meilleurs endroits et les sort de ces meilleurs endroits pour les renvoyer aux pires endroits où ils étaient auparavant non, parce qu'ils n'ont pas remercié Allah Azza comme il le faut ou ils n'ont pas remercié Allah Azza du tout et c'est pour ça que les salafs disaient regardez et c'est pour ça qu'ils disaient donc ils parlent de ceux qui étaient avant ils appelaient le choukr, le remerciement, celui qui quoi? Qui protège, celui qui garde. Al-Hafid, il protège, il garde. Le remerciement protège ton bienfait. Al-Jalib, celui qui attire, hein, celui qui va attirer, celui qui va amener, parce qu'il attire et amène les bienfaits qui sont perdus. Donc tu remercies non seulement, tu protèges ce que tu as déjà, comme acquis, et ce qui a été perdu ou de ce qui n'était pas, tu le gagnes. Wa qala al-Hasan, akthiru min dhikri hadhi an-ni'am, fa inna dhikraha shukrun. Wa qad amara Allah ta'ala nabiyahu an yuhaddith ni'mat rabbih fa qala wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith. Sourate Ad-Duha, verset 11. Al-Hasan dit, rahmoullah, évoquez beaucoup les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, car ces évocations sont le remerciement. Et certes, Allah Azza wa Jal a ordonné à son prophète d'évoquer les bienfaits de son Seigneur. Lorsqu'il dit bienfaits de ton Seigneur, parle-en. Fahaddith, hein, dit Alhamdulillah, Allah Azza wa Jal m'a donné une bonne santé. Alhamdulillah ala ni'mati l'islam. Alhamdulillah ala ni'mati sunnah. Alhamdulillah pour ceci, Alhamdulillah, Allah m'a affani, Allah m'a protégé, m'a gardé sain et sauf, hein, de certaines maladies qui sont chez les gens, il a créé. Allah m'a donné l'aql, m'a donné les yeux, m'a donné les mains, m'a donné ceci. Donc il yatahaddath shakhs, il remercie Allah Azza par tous ses bienfaits. Wallah ta'ala yuhibbu min 'abdihi an yura 'alayhi athara ni'matihi fa inna dhalika shukraha bil lisan al hal. Car Allah Azza wa Jalla aime, car Allah Azza wa Jal aime que l'on voit les signes de ses bienfaits sur son serviteur. Allah Azza wa Jal aime que les gens sont contents, que les gens sont bien. Et il veut que ça, cela se voit. Il veut que ces choses-là, elles sont voyantes chez les gens. Donc, commencions, hein, par nous faire des gestes, la khiri. Naam. قد قاله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه إذا أنعم الله على عبده نعمة يجب أن يرى أثر نعمته على عبده. والحديث rapporté par l'imam Ahmed est authentique. Donc il dit صلى الله عليه وسلم, lorsqu'Allah gracie un de serviteurs par une grâce, par un bienfait quelconque, Allah aime que cette grâce ou ce bienfait soit vu. Hein, qu'on voit les traces, qu'on voit, hein, justement, donc les traces et les conséquences, je veux dire bien sûr, bénéfiques de ce bienfait sur son serviteur. Il faut que cela se voit. Wa qala kadhalika sallallahu alayhi wa sallam, kulu wa shrabu wa tasaddaqu fi ghayri makhilla wa la saraf, fa inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala 'abdihi. Al-Hadith est rapporté aussi par l'imam Ahmed et il est aussi authentique. Donc un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, mangez et buvez et faites l'aumône sans exagérer, quelconque et sans être avare, ni on va être bien sûr gaspilleur, on va être bien sûr dans le juste milieu. Certes, car Allah aime que l'on voit les traces de ses bienfaits dans son sur son serviteur. Le hadith rapporté par l'imam Ahmed est authentique. Wa hadhi ni'ma shukrun, hein. Tashkuru fa kayfa tashkuru, hein. Idha ataka Allah malan mathalan. Et là, on va voir comment donc on a vu que il faut bien sûr, donc manger, boire et donner sans exagérer et sans aussi avarice. Sans avarice. Donc aussi, certes, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, comment on va les remercier? Comment on fait? Utiliser, hein, ce remerciement. Donc Abu al-Ahwas rapporte de son père qu'il a dit, je suis venu voir le prophète, donc Ataytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, وأنا قشف الهيا يعني تارك النظافة وترفة للنظافة وترفة فقال هل لك من مال قال قلت نعم قال من أي مال قلت من كل مال قال أعطاني الله من الإبل والخيل والرقيق والغنم قال فإذا أتاك الله مالا فليرى عليك حيث رابورتي بار الإمام أحمد أبو داود النسائي الحاكم et il a été authentifié par le hakim où l'homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit donc il était mal habillé hein, donc il se laissait aller, il se délaissait, donc il était mal habillé, donc il se par contre, on pourrait dire qu'il ne se lavait pas, tarakan nazafa, il ne se nettoyait pas, ne se lavait pas, donc il était mal habillé et tout ça, et aussi pas propre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-tu des biens? Il dit oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de quel type de biens? Il dit de tout type. Donc certes Allah m'a donné des chameaux, des chevaux, hein, donc des vaches et des moutons. Donc tout type de monture. Imaginez-vous ceux qui ont des chameaux, des chevaux, hein, des bovins, des ovins. Hein, c'est pas un signe de pauvreté. Donc il dit, certes, certes, Allah t'a octroyé de. Le hadith rapporté par l'imam Ahmed, Abu Daoud, Nasa'i, Al-Hakim, wa wafaqahu Al-Zahabi. Wa qala Fudayl ibn Iyad, man shakra an-ni'ma an yuhaddisa biha. Min shukri an-ni'ma. Et dit Fudayl ibn Iyad, parmi la reconnaissance des bienfaits, c'est d'en parler. Wa shukru kama zakara Sh'abi, حيث قال الشكر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. Donc il dit Sh'abi, afin de montrer l'importance du remerciement et de la reconnaissance, c'est qu'il dit donc le shukr est la moitié de la foi, et le yaqin, la certitude, est la foi complète. Donc le shukr c'est la moitié, tandis que le yaqin, la certitude, c'est la foi complète. Wa qala al-Hasan idha an'ama Allah ala qawmin sa'alahum al-shukr. Lorsqu'Allah a gracié un peuple, il leur demande le remerciement. Fa idha shakaru kana qadiran ala an yazidahum, rajouter. Donc il est capable de leur augmenter. Wa idha kafaru kana qadiran ala an yab'atha alayhim 'adaban. Et s'ils sont ingrats, s'ils renient, capable de quoi? De leur descendre un châtiment. Wa qad dhamma Allah subhanahu al-kanud. Et certes Allah azza wa jal a quoi? A dit al-kanud. Wa al-kanud huwa alladhi la yashkuru ni'amahu. Al-kanud c'est celui qui ne remercie pas pour ses bienfaits. Dans sourate Al-Adiyat verset 6, innal insana la kanud. Donc vous connaissez ces versets parce qu'ils sont à la fin du Coran. Innal insana la kanud. Donc certes le serviteur Seigneur ne est ingrat, ne remercie pas, il est ingrat. Ya'uddu al-masa'ib wa yansa an-ni'am. Dans le tafsir, il compte ses malheurs et il oublie les bienfaits. Il compte ses malheurs et il oublie les bienfaits. Des fois, des gens se plaignent même trop facilement d'un petit mal. Et qu'ils ont oublié que ce mal n'est rien par rapport aux bienfaits du reste. C'est un petit mal de ventre qui pourrait passer, qui serait dû un jour ou deux jours. Ils exagèrent dans le fait de se plaindre. Donc, il y a plus comparable à la ni'ama des yeux. La ni'ama du toucher, la ni'ama la ni'ama du parler, la ni'ama de l'ouïe. Toutes ces ni'am, ne serait-ce que c'est-à-dire les signes qui sont... donc nos signes que là, nous pouvoir monter, descendre, porter, comprendre et la khélihi, donc cela est largement des bienfaits d'Allah Azzal, bien sûr, si on comptait les bienfaits d'Allah Azzal, on ne pourrait pas les dénombrer. Si on voulait compter les bienfaits d'Allah Azzal, on ne pourrait pas les dénombrer. Et si on commence à les compter, on ne s'arrêterait plus à les compter. Parce que ça vient tout le temps, ça ne s'arrête pas. Non seulement qui sont déjà présentes, et qui celles qui sont à venir. Donc, il ne faut pas être ingrat dans le fait de quoi? De ne parler que des mashakil, des mansareb, des malheurs, de tout ce qui nous afflige et d'oublier quoi, bien sûr, les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Wa hunalika tahdhirun wa huwa khassun bin nisa. Et là, bien sûr, donc c'est un appel spécial pour les femmes. Wa qad akhbara an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna an-nisaa akthara 'ala an-nar bihadha as-sabab, car les femmes sont majoritairement dans celles qui vont peupler l'enfer à cause de cela. À cause de quoi? Du fait de ne pas être ingrate et le fait de ne pas remercier. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam: "Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra." Regardez, "Law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra." Donc si tu lui faisais du bien tout le temps, hein, sans arrêt, ad-dahra, toute ta vie avec à l'une d'entre elles, toute ta vie, thumma ra'at minka shay'a, et elle a vu en toi une chose, quelque chose, qalat ma ra'aytu minka khayran qat, je n'ai jamais vu en toi du bien, jamais, qat, c'est-à-dire du tout, je n'ai jamais vu de bien en toi. Donc regardez l'ingratitude de la femme. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam amma ces femmes. Donc vous soyez plutôt du côté des qalil, du quoi, du peu. Donc bien sûr la femme elle doit penser à ça. Pas dès qu'il y a un truc, sauter en l'air, hein, et faire des histoires et commencer à se plaindre. Il a khiri. Il faut patienter. Parce qu'on va, vous allez trouver chez l'homme des choses. Comme l'homme va trouver chez les femmes, chez la femme des choses. Donc il faut patienter et ne pas courir, raconter, se plaindre comme si cette chose-là ne devait pas arriver. Il n'y a personne qui est ange. Il n'y a pas de malek. Il n'y a pas de malek sur terre. D'accord? On n'est pas au paradis, donc personne n'est parfait. Ni le mari, ni l'épouse. Et c'est donc la femme doit spécifiquement quoi, éviter justement de dire que son mari ne lui fait pas de bien. Et c'est pas possible de voir qu'un mal qui ne va pas lui faire du bien. Donc des fois au moindre mal, il y a, et bien sûr on sait très bien des fois, certaines causes de divorce peuvent arriver justement à cause de ce genre de départ. Ce départ justement, le fait d'allumer cette braise en disant tu n'as rien fait pour moi, ça peut commencer comme cela. Non, parce que il est possible que la personne en face, le mari, ne soit pas patient, ne va pas comprendre. Il va oublier le hadith. C'est-à-dire que aussi les hommes, armez-vous de patience, parce que sachez que votre femme, elle va le dire. Sachez qu'il est fortement possible que votre femme, elle va le dire. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise. Ça ne veut pas dire qu'elle est ingrate. Mais simplement, elle va le dire parce que c'est une femme. Parce que la Razel a décidé comme cela. Et à toi de gérer de la meilleure façon cela. Enfin, il y a un hada, bitar ki shurti ni'am zawj. وهي في الحقيقة من الله فكيف بمن ترك الشكر نعمة ترك شكر نعمة الله. Donc si déjà on voit que cela, le fait d'aller en enfer, c'est juste parce que la personne a délaissé quoi, le remerciement du mari. Alors que dire, alors que remerciement dans l'azaj, alors que dire de celui qui ne remercie pas Allah, ne pas remercier Allah, c'est bien plus dangereux et c'est bien pire que de ne pas remercier son mari. Wa dhakara ibn Abi Dunya min hadith Abdurrahman As-Sulami an Ash-Sha'bi an Nu'man ibn Bashir qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam at-tahaddathu bin-ni'ma shukrun wa tarkuha kufrun wa man la yashkuru al-qalil la yashkuru al-kathir wa man la yashkuru an-nas la yashkuru Allah wal-jama'a baraka wal-firqa azab. Hadith rawahu Imam Ahmad wa huwa as-sahih. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmed et il est authentifié: le fait de parler des bienfaits, des grâces est un remerciement, et de les délaisser et donc on le peut, même pour un petit peu, donc même si c'est pour peu, il faut remercier, ne remerciera pas pour le beaucoup. Ne remerciera pas sur ce qui est beaucoup. Et celui qui ne remercie pas les gens, il ne remercie pas Allah. Et le jama'a, c'est-à-dire le groupe, est une baraka, et la division est un azab, c'est-à-dire un châtiment. Waraha Bakar ibn Abdullah al-Muzani hammalan alayhi hamluhu wa huwa yaqul alhamdulillah astaghfirullah فقال فانتظرت حتى وضع ما على ظهره وقلت له أما تحسنوا غير هذا؟ قال بلى أحسنوا خيرا كثيرا أقرأ كتاب الله غير أن العبد بين نعمة وذنب فأحمد الله قلت الحمال أفقه من البقر. Donc regardez, un savant, un grand savant, Bakr ibn Abdullah al-Muzani, voit quelqu'un qui porte des choses, un hammal, un porteur, il voit un porteur, donc il portait des choses, et ce porteur disait, Alhamdulillah, donc louange à Allah, et je demande pardon à Allah, astaghfirullah. Donc, Bakr dit, je l'ai attendu jusqu'à ce qu'il pose donc ses affaires, ce qu'il avait sur son dos, et je lui dis, ne sais pas tu dire autre chose que cela. Il dit, si, je sais lire le Coran, hein, et je sais faire beaucoup de choses qui sont, je sais faire beaucoup de bonnes choses, je sais lire le livre d'Allah, mais simplement que le serviteur est entre deux choses, est entre les bienfaits et les péchés, est entre les bienfaits qui sont énormes. Et je lui demande pardon pour mes péchés. Donc j'ai dit, donc Abou Bakr le savant a dit, le hammal, le porteur, connaît mieux que moi. Afqah minni. C'est-à-dire, il connaît mieux que moi la religion. Il connaît mieux que moi ces choses-là. Regardez, Afqah, il a mieux compris que moi ces choses-là. Et la même chose, on sait que Unwan al-Sa'ada, comme l'ont dit les savants, hein, donc la clé du bonheur, comme on dit, c'est aussi Ida Ortiya Shakar. Celui qui, lorsqu'on lui donne, il remercie. Lorsqu'Allah lui donne, il remercie. Waïda aznaba istaghfar. Et aussi celui qui commet des péchés demande pardon. Waïda ortiya, waïda ibtulia sabar. Et si il est éprouvé, il va patienter. Donc ces trois choses font partie de quoi? De la clé du bonheur. Elles sont même la clé dans Al-Qawaid al-Arba de Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmallah. وقال عبد الله ابن عمر ابن عبد العزيز ما قلب عمر ابن عبد العزيز بصره إلى نعمة أنعم الله بها عليه إلا قال اللهم إني أعوذ بك أن أبدل نعمتك كفرا وأن أكفرها بعد أن عرفتها وأن أنساها ولا أثني بك بها. Donc il dit عمر ابن عبد الله ابن عمر ابن عبد العزيز dit sur son père. Il dit donc son père, Omar ibn Abdel Aziz, à chaque fois qu'il a levé les yeux, à chaque fois qu'il a regardé une grâce d'Allah Azza wa Jal envers lui, il a toujours dit, oh mon Seigneur, je me protège auprès de toi, hein, contre le changement de ta grâce par une mécréance, par un reniement ou par une ingratitude. Et aussi que je la renie alors que je l'ai reconnue après l'avoir reconnue, je la renie après l'avoir connue, et que je l'oublie et que je ne te loue pas par non. Donc il faut louer Allah, il faut remercier Allah par cette grâce. Donc regardez comment il faut être. Donc il se protège auprès d'Allah. وقال مخلد بن حسين كان يقال الشكر ترك المعاصي. Makhraj ibn Hussein dit aussi, donc il donne la définition du shukr en disant shukr, le remerciement ou la reconnaissance et le délaissement des péchés. Hein, regardez, donc le délaissement des péchés, c'est le fait d'aller quoi vers l'adoration, on s'éloigne des péchés. Naam, l'anna shukra yurith al-ibada wal ikbal ala Allah, fa hada afdal wa aqrab sabab li tark al-ma'asi. Naam, car le remerciement fait naître quoi? L'adoration et le fait d'aller vers Allah Azza wa Jal et de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et c'est la meilleure façon, la façon la plus proche, c'est en fin de compte la cause la plus proche et la meilleure, afin de quoi? De délaisser les péchés. Wanzuru ila fiqh al-ulama salafun salih faqala Sufyan al-Thawri. Et regardez aussi, réfléchissez et méditez sur les paroles, la compréhension des savants, nos pieux prédécesseurs, lorsque Sofiane al-Thawri rahmallah dit kana yuqal laysa faqih man lam ya'udda al-bala'a ni'matan wa والرخاء مصيبة. Donc il dit Sofiane Thaouri, on disait, donc n'est pas connaisseur ou ne comprend pas celui qui ne compte pas, hein, celui qui ne considère pas l'épreuve comme un bienfait et l'aisance comme un malheur. Moussiba. Hein, donc il voyait l'aisance comme un malheur. Parce qu'ils savent que Allah va te quoi? Va te remercier, tu dois remercier, va te demander des comptes. Donc tu vois plein de choses. Et tu ne remercies pas. Donc ces pleines choses-là, en vérité, c'est comme un malheur pour toi. Remercie beaucoup. Afin de quoi? De ne pas tomber dans le malheur. Donc regardez comment ils le voyaient. Eux, ils voyaient le résultat de cela. Ils ne s'arrêtent pas à la chose en elle-même. Hein? J'ai la meilleure voiture, j'ai la meilleure maison, j'ai un bon compte en banque, j'ai tous les meubles qu'il faut, j'ai les derniers cris de ceci, de cela. Là, ils voyaient ça. Donc cette aisance, ils le voyaient comme un malheur. Est-ce que j'ai remercié Allah Azzawajal comme il le faut? Pour ce que j'ai eu. Hein? Et il voyait donc cette épreuve comme une ni'ma. Le fait qu'ils n'avaient plus rien. Le fait que ceux-ci, ils patientaient dans l'épreuve, ils voyaient ça comme une ni'ma d'Allah Azza wa Jal. Regardez comment ils étaient. Ceux qui comprenaient bien les choses. Wa qala Anas, sami'tu Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, inna sallama rajulin farada alayhi salam faqal, qala Umar li rajulin, kayfa anta? Qala rajul, ahmadu ilayka Allah. Ahmadu ilayka Allah. فقال ها هذا ما أردت منك هذا ما أردت منك. Donc Anas radiallahu anhu a entendu Omar ibn al-Khattab saluer un homme et l'homme l'a salué et Omar lui a dit comment tu vas. Il a dit donc je loue Allah auprès de toi. Il dit voilà ce que je le voulais de ta part. Lorsque quelqu'un te dit lorsque quelqu'un te dit comment tu vas, tu dis Ahmed, Alhamdulillah, ou bien Ahmadullah ilayk, ou bien Ahmadu ilayk Allah. Donc voilà comment le musulman doit être par rapport. Donc là, bien sûr, ça reste succinct, le sujet est bien plus large que cela. Hein, avec le peu que j'ai pris, pourtant on a déjà duré beaucoup. Donc le musulman doit remercier Allah Azza wa Jal par, comme on a dit, Ras al-Tawhid. Là, ce chouf, c'est Tawhid, qu'il est musulman, qu'il a compris l'unicité, et que Allah l'a choisi afin qu'il fasse partie de ceux qui vont pratiquer et œuvrer dans sa sunna, dans sa voie, dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va aussi le louer et le remercier et être reconnaissant auprès d'Allah azzawajal par tous les bienfaits qui sont énormes, nombreux, ils sont incalculables, innombrables. Il y a des livres écrit rien que sur les bienfaits physiques. Hein, le physique et ce qu'il y a autour de nous. Hein, les bienfaits du miel, les bienfaits de ceci. Donc c'est rien que celui que vous regardez. Miftah Dar al-Sa'ada de l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, muhaqqaq. Donc vous allez retrouver rien que dans là, donc c'est des gros tomes, et vous allez retrouver rien que les ni'ma du miel, les ni'ma de ceci, hein, donc les bienfaits de cela, les bienfaits de ceci, avec les bienfaits déjà ce qu'il y a en nous-mêmes. Hein, donc il suffit de regarder ce qu'il y a en nous-mêmes afin de se souvenir des bienfaits de qui? D'Allah Azza wa Jal. Et le premier bienfait, c'est justement bien sûr de nous avoir créés et de nous avoir fait de nous bien sûr des gens soumis, hein, des gens qui sont de nous, des gens soumis et qui nous a fait connaître alors à partir de quoi? De l'ignorance la science, qui nous a fait connaître à partir de l'ignorance, on connaissait rien lorsqu'on est né, une certaine science, un acquis qu'on ne pouvait pas avoir à la naissance, qu'on n'avait rien de tout ça à la naissance. Donc faites la comparaison, faites la différence entre celui qui a 25 ans et qui a peut-être appris le Coran ou une partie, il a lu beaucoup de hadiths, il a écouté beaucoup de cours et bien sûr et celui qui naît. Donc regardez la ni'ma, regardez le chemin qui a été parcouru et la ni'ma d'Allah Azza wa Jal envers nous dans tous ses bienfaits. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.